problème de la musique. Mais c'est sympa, on voit que vous êtes 9, 10, 11 à nous écouter. Alors que, bon, bah, on fait pas grand-chose, mais c'est sympa. On est là depuis quand même beaucoup d'heures. Et on met de la musique chouette. Et on s'amuse. Mais quelqu'un propose de quand même enchaîner sur une chronique. Yep, Je laisse la parole. ouais, donc c'est ce petit problème technique et peut-être le moment d'enchaîner sur une petite chronique syndicale. Donc là, je suis allé sur le site de la CNT et il y a quelques articles qui sont un peu intéressants, notamment un sur les jobs d'été. Donc avant de se quitter, c'est bien avant que vous ayez trimé dans des boulots de merde, c'est bien qu'on vous informe un petit peu sur vos droits. Donc, job d'été, pas de vacances pour tes droits. Tu es étudiant ou étudiante et tu te dis qu'un job cet été sur la plage ou ailleurs te permettra de mettre un peu de beurre dans les épinards? Tu es lycéen ou lycéenne et tu te dis qu'après les embûches de Parcoursup, un travail cet été sera du gâteau? Tu galères toute l'année de mission d'intérim en CDD, tu as essayé le mirage de te croire ton propre patron avec Deliveroo et consorts et tu te dis que un ou deux mois dans un restaurant, un bar ou ailleurs sera moins épuisant que des kilomètres à vélo? Voici quelques éléments concernant tes droits pour ne pas te faire rouler par ton patron ou ta patronne cet été. Le contrat de travail. Que tu sois plagiste ou barman, que tu travailles à la plonge ou au service, tu dois signer un contrat de travail. Il te permet de cotiser pour l'assurance chômage, l'assurance maladie, la retraite et te protège en cas d'accident. Et donc pour le chômage, il faut le travailler au moins 3 mois. Le CDD, saisonnier ou non? Deux différences essentielles à la fin d'un CDD normal. Tu as droit, entre autres choses, à une prime de précarité correspondant à 10% de ta rémunération brute totale, perçue pendant la durée de ton ou tes contrats. Ce n'est pas le cas pour un CDD saisonnier, sauf accord contraire. Le CDD saisonnier, comme son nom l'indique, concerne l'exécution de tâches appelées à se répéter tous les ans à date plus ou moins fixe en fonction du rythme des saisons. Exemple, les vendanges, ou des modes de vie collectifs, le tourisme. La variation d'activité, censée être la raison du recours au CDD plutôt qu'au CDI, doit être indépendante de la volonté de l'employeur. Les heures sup. Si tu es mineur, ta journée de travail ne doit pas excéder 8 heures. 10 heures si tu es majeur. Dans le cas contraire, tu dois être rémunéré en heures supplémentaires. Pour ne pas te faire avoir, tu peux noter tes horaires et mieux laisser une trace écrite. Connais tes droits, syndique-toi. Et donc après cela, un petit topo sur Amazon et une grève générale en Europe qui s'annonce pour le 10 juillet. Amazon, un droit du travail au rabais. La lutte contre les abus de la multinationale Amazon pour le partage des bénéfices se répand à travers l'Europe. Malgré la stratégie préméditée de l'entreprise d'ouvrir de nouveaux centres dans des pays plus calmes du point de vue syndical, les conditions de travail difficiles conduisent de plus en plus de travailleurs à s'insurger. En Pologne, ils utilisent une loi anti-grève stricte pour imposer des salaires misérables. L'Allemagne continue à se battre pour une convention collective garantissant les droits pour tous et toutes, quel que soit leur centre. En France, les mesures très sévères pour contrôler le temps et la productivité continuent. En Espagne, après l'expiration de la convention collective précédente, les conditions de travail ont été fixées unilatéralement par l'entreprise dans son principal centre logistique. En Italie, où les contrats à durée déterminée sont la norme, il y a des milliers de travailleurs temporaires dans les centres logistiques. Dans le reste du monde, Amazon écrit l'histoire, oui, mais seulement parce qu'elle ne partage peu avec les employés, les salariés, ces milliards de dollars de bénéfices. En Espagne, une grève suivie à 95%. En mars dernier, au centre MAD4, nous avons entamé une lutte intense pour regagner une convention collective qui consoliderait nos droits historiques et créerait de meilleures conditions de travail comme nous le méritons. Les 21 et 22 mars, nous avons appelé à une grève qui fut suivie par plus de 95% des effectifs. Depuis lors, nous avons continué à agir pour faire pression sur l'entreprise. Cependant, nous savons qu'Amazon utilise son réseau logistique en Europe pour contrer les effets de nos grèves respectives. Nous, à Madrid, croyons que nous ne pouvons être reconnus pour nos revendications que si nous nous battons ensemble. De même, c'est seulement par une action européenne tous et toutes ensemble, et en même temps que les travailleurs et travailleuses vont se mobiliser là où il n'y a pas encore de représentation syndicale. Pour une grève générale en Europe. Pour ces raisons, nous faisons la promotion de l'idée d'une grève générale européenne le 10 juillet. Cette date sera celle du Prime Day, jour où Amazon veut vendre des millions de produits pendant l'un de ses principaux jours de vente. L'idée, c'est que si aucune concession n'est faite aux employés, ce jour n'aura pas lieu. Dans les prochaines semaines, nous contacterons tous les centres pour discuter de l'idée et travailler ensemble dans le cadre de cette mobilisation historique. Santé et emploi décent pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses d'Amazon. On se battra toujours jusqu'à la victoire. Donc là, sur le site de la CNT, on a les contacts des sections CNT Amazon. Donc il y en a... Alors ça c'est un nom en flamand. Lowin Planck dans le 59. Beauvais dans le 80, j'ai aucune idée d'où c'est. À Clichy dans le 92, à Saran dans le 45, à Artenay dans le 45 également, tout ça c'est dans le centre. À Chalon-sur-Saône dans le 71, à Satolas et Bons dans le 69 et à Montélimar dans le 26. Et enfin, pour finir cette petite chronique, une petite présentation d'une vidéo qui s'appelle Révolutionnaires, réfugiés et résistants. Donc, fuyant Franco, des centaines de milliers de républicains espagnols arrivent en France à l'hiver 1939 dans un dénuement total. Parqués dans des camps, dans le froid et des conditions effroyables, ils témoignent dans ce livre de ce qu'ils y ont vécu, vu et de comment ils y ont survécu. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, de nombreux sont ceux et celles qui participent à la lutte contre le nazisme, gardant toujours l'espoir en un monde meilleur. Ce livre est issu du travail de mémoire entrepris par Federica Montseny pour transcrire ce qu'a été la vie des réfugiés espagnols, des sans-grades, depuis les camps d'internement du sud de la France et d'Afrique du Nord, jusqu'à leur engagement dans la résistance. Federica Montseny fut l'une des figures de la CNT espagnole pendant la révolution de 1936 et la guerre civile, puis, après, en exil, propagandiste infatigable, oratrice hors pair et chroniqueuse acérée, elle écrira de nombreux ouvrages. Cien días de la vida de una mujer, en 1949, Crónicas de la CNT, en 1974, El Éxodo Anarquista, en 1977, Cuatro Mujeres, en 1978, et Mis Primeros 40 Años, en 1987. On voit que je m'en tire très très bien, vu que je parle à peu près aucun mot d'espagnol. Mais... Et donc, c'est Serge Girouillo qui présente ce bouquin dans une vidéo que je vais vous passer tout de suite. C'est un livre qui existait, qui a existé dans plusieurs éditions en espagnol, et qui pour la première fois est traduit au français, et son auteur, Federica Montseny, ne l'aura jamais vu, évidemment, en français. Ça, c'est un gros paradoxe, quand même. Il aurait dû être traduit depuis longtemps, parce que ça devait pouvoir intéresser beaucoup de gens. Donc, c'est un recueil de témoignages, de très nombreux témoignages, d'hommes et de femmes, qui ont vécu l'exil espagnol, et qui ont vécu la résistance. Et c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant, parce que ces témoignages datent de 49, c'est-à-dire 4 ans après la fin de la guerre, 5 ans après la libération du territoire. Et donc, c'est assez frais encore dans l'esprit de ces gens, qui sont tous des gens très simples. Donc, Federica Montseny n'a fait qu'assembler un peu, faire attention au vocabulaire, mais c'est pur sucre, quoi. C'est vraiment ceux qui ont vécu, qui sont restés des, on pourrait dire des héros. On a l'habitude de dire des héros à la fin de la résistance, de guerre, etc. Mais ils avaient l'air de s'en foutre. Et c'est assez magnifique, quoi. Voilà. Donc, c'était très utile, je crois, de le faire lire à des francophones. Alors, Federica Montseny était déjà une grande figure militante, surtout dans le domaine de la culture. Elle a commencé à écrire très très tôt, à 17 ou 18 ans. Elle était fille d'anarchistes lettrés, qui eux aussi avaient comme marotte politique et philosophique, d'éduquer, de donner les armes de l'éducation au maximum, parce qu'ils pensaient que l'éducation était émancipatrice, ce en quoi je suis parfaitement d'accord. Et donc, ce sont des précurseurs, en fait, de ça. Et elle, naturellement, elle a commencé à écrire des petits romans populaires, mais dans lesquels, évidemment, elle instillait la vie des gens les plus fragiles de la société, un petit peu, comment on pouvait déjà parler un petit peu d'amour libre, c'est-à-dire dans une Espagne féodale, c'était pas uniquement l'amour libre, c'était surtout la difficulté pour les femmes, par exemple, de vivre. C'est pas tout à fait fini, mais à l'époque, tu imagines, hein. Et donc, elle c'était sa marotte. Elle est devenue une figure importante du mouvement libertaire et de la CNT. Arrive la guerre. Et au bout de les anarchistes dans la région de Barcelone sont évidemment extrêmement incontournables. C'est une grosse, grosse force. Pas une force militaire, mais il se trouve qu'il y a la guerre, donc les milices se remplissent d'anarchistes, d'hommes et de femmes. Et elle, on lui demande de rentrer au gouvernement. Et ça fait un gros débat. Ça en a fait encore un plus gros après la guerre. Mais déjà à l'époque. Et elle n'y va. Et ça, on lui a beaucoup reproché d'avoir accepté d'être ministre, mais elle a rappelé finement, dans les années 40 qui ont suivi la libération, elle a dit « Je n'y suis pas allé spontanément. Il y a eu une grosse discussion au sein de la CNT, et on m'a dit « Tu ne peux pas ne pas y aller. » Parce qu'à ce moment-là, il y avait une peur pour la CNT de perdre sa capacité d'acteur dans la République et dans la guerre, parce que le Parti communiste commençait à monter. C'est des guerres internes qui font que... Donc il y a eu 4 ministres anarchistes, et elle a eu le ministère de la Santé, et c'était la première fois qu'une ministre d'une république était une femme dans le monde. Donc c'est un paradoxe marrant, quoi. C'est une anarchiste qui devient ministre, et en plus elle est la seule ministre de l'époque. Mais elle a au moins... Elle est restée ministre très peu de mois, en fait. Il y a eu une crise gouvernementale, on a viré les ministres, et ça a été le déclin de la puissance de la CNT. Le parti communiste stalinien a fait ce qu'il fallait. Mais pendant ces mois-là, elle a permis à la Catalogne d'avoir le premier statut au monde aussi de l'avortement libre. Ça, c'est assez inouï. On le doit à cette bonne femme. Qui, elle, ne pouvait pas le faire dans son ministère national, parce qu'il y avait ça quand même, il y avait des républicains de droite, hein. Et puis les autres n'étaient pas vraiment pour. On était quand même toujours dans une Espagne féodale. Et donc, cette femme, elle a dit à sa correspondante catalane, elle a dit, toi, vas-y, à mon avis, en Catalogne, c'est possible. Et voilà. Donc, ne serait-ce que pour ça, j'ai évidemment été très touché quand les copains ont dit, il faut traduire ce bouquin. Alors, moi, j'avais aussi dans la tête, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnons et de compagnes, j'avais un ministre. Et en fait, j'ai un peu compris d'autres choses. Nous, avec notre recul, évidemment, on est pur et dur et on critique les vieux compagnons. Mais c'était une période terrible. Et elle a été, je crois, 4 mois ministre. Mais pendant les 4 mois, elle a fait des choses intéressantes. Voilà, donc ça valait le coup. Et en plus, là, ce n'est pas un livre de Federica Montseny. Elle est l'artisane, mais merveilleuse, de tous ces témoignages de gens obscurs, très discrets, n'osant pas envoyer une lettre. Elle a dit, si, envoyez tous ceux qui ont vécu quelque chose. Dites-nous comment vous l'avez vécu, ce que vous pensez, ce que vous avez rencontré, comment vous ont accueilli les Français, vous, parce que chacun a une histoire. Voilà. Et c'est cette histoire qui est dans ce livre. Son objectif à elle, c'était fixer de la mémoire. Dire, on nous a traités comme des chiens, dans les camps, etc. Mais je vais dire ce qu'ont été quand même ces espingouins, ces étrangers, ces pauvres airs, ces dangereux bandits, etc. Comme il y avait des manchettes de journaux, comme ça, l'Indépendant, par exemple, de Perpignan. Et elle voulait... d'ailleurs, dans son livre, il y a des dithyrambes littéraires où elle revient tout le temps sur la noblesse cachée, la grandeur inégalée. Elle a des termes comme ça pour ces gens qui lui ont tapé dans l'œil, quoi. Cette femme qui était un peu une grosse bourgeoise, elle a vu ces gens-là, elle a lu. Elle dit qu'elle a reçu des milliers, des milliers, des milliers de lettres. Et ensuite, des gens sont venus lui parler. Alors, elle notait ce qu'il lui disait. Elle les questionnait, elle les interviewait, un peu comme ce que tu es en train de faire là, tu vois. Sauf que elle découvrait des facettes ignorées de sa propre histoire, dont elle avait été un peu actrice. Et donc, elle voulait faire mémoire, fixer la mémoire. Et ça a été un gros succès. Ça a été d'abord diffusé comme en feuilleton dans les journaux de la presse confédérale. Et puis, un certain temps après, je ne sais pas, un an, deux ans, ils ont décidé d'en faire un bouquin en espagnol. Ça se passe début des années 50. Et puis en 69, il y a une réédition, moi je suis parti de celle-là, une réédition parce qu'il y avait une demande, mais toujours en espagnol. Donc c'était toujours pour la diaspora, en fait, qui était évidemment très nombreuse. Et là, maintenant, elle est beaucoup moins nombreuse. Le temps a fait son œuvre. Les enfants et les petits-enfants ne parlent pas toujours ni espagnol, ni catalan, ni basque. Ils parlent le français, ils sont là. Moi, ça a été ma première langue aussi, hein. Et donc, ça nous a semblé très utile de raconter cette histoire qui est maintenant une vieille histoire, évidemment. Mais c'est une histoire d'espoir, quoi. Voilà. Oui, je croyais savoir des choses. J'ai découvert beaucoup de choses. Je te cache pas que, je le dis là, comme ça, je fais un attentat à ma propre pudeur. J'ai pleuré en lisant des témoignages. Et en les retranscrivant ensuite en français, en cherchant les mots, j'ai pleuré, parce qu'il y a de la douleur. Hein. Mmh. Il y a de la douleur là-dedans, il y a beaucoup de douleur. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir, parce que ces gens étaient des gens durs, persuadés qu'ils avaient raison, qu'ils portaient l'espoir de demain. Alors, ils se sont battus contre les Allemands, contre les miliciens. Énormément sont morts. Hein. Dans tous les maquis où il y avait des Espagnols, il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi ? Parce que les Espagnols, c'était des fadas. Ils avaient fait la guerre. Ils l'avaient perdu, et là, ils prenaient une revanche sur les Allemands qui avaient aidé Franco. Donc, ils y allaient, même les Français les regardaient un peu effrayés, se disant, mais il y a des mitrailleuses en face. Donc, il y a eu quand même beaucoup de morts. D'ailleurs, les monuments de France, il y a beaucoup de noms espingouins. Oui, donc voilà, donc c'est une petite présentation de ce bouquin par Serge Gerouillo, le chanteur bien connu à Radio Cayenne. Est-ce qu'on a de la musique pour enchaîner ou autre chose ? Il peut y en avoir très très vite, très vite. C'est ben que siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, per amor de nostri figli, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, in lega ci mettiamo. C'è l'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone, e la libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia, e voi altri signoroni che ci avete tanto.